Exercice 10, page 157. A. Elle chante tous les mois. Transformer. Elle chante chaque mois. B. Elle chante tous les jours. Transformer. Elle chante chaque jour. C. Elle chante tous les soirs. Transformer. Elle chante chaque soir. D. Elle sort tous les lundis. Transformer. Elle sort chaque lundi. E. Elle sort tous les samedis. Transformer. Elle sort chaque samedi. F. Elle sort tous les dimanches. Transformer. Elle sort chaque dimanche.